phénicienne. Rien qu'une femme. Plus jamais le soleil de mars. La trace de l'oiseau sur la neige. Perdu le secret du miel. Le jardin où chantent les pierres. Force.